Bien, bonjour. Le Grémos, Alban Graziottin et Jean-Paul Bentière, on va entamer maintenant un cycle de deux émissions. Celle d'aujourd'hui va parler de la crise de la CGT à la fin des années 70 et dans les années 1980. Quand je parle de la crise de la CGT, c'est la crise de l'UDCGT de la Loire. Et puis, au mois de janvier, on fera une deuxième émission sur les rapports entre les deux UD, CGT et CFDT. Mais pour aujourd'hui, donc, nous allons parler de la crise de la CGT. C'est Alban qui va en parler. Alban qui vient de participer à un colloque à l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT. Alors tu vas nous parler de ce colloque un petit peu. Exactement. Donc, bonjour. Oui, donc le 24 et le 25 novembre dernier, il y a eu un grand colloque à Paris qui a été organisé au siège de la Confédération CGT, donc à Montreuil. Un colloque organisé par l'Institut d'Histoire Sociale CGT. L'Institut d'Histoire Sociale CGT, c'est donc une organisation interne à la CGT dans laquelle des militants, avec l'aide d'historiens depuis de très nombreuses années, des historiens, des sociologues aussi, travaillent sur l'histoire de la CGT, des luttes sociales, du mouvement ouvrier en France. Dans ce colloque, l'idée a été de mettre en avant la CGT, je rappelle le titre, à l'épreuve des crises, du milieu des années 1970 aux années 1995. Donc l'idée de ces organisateurs a été de réfléchir sur l'action et les conséquences de la crise industrielle, des restructurations industrielles en France, donc des conséquences de tout cela sur la CGT à différents échelons. L'idée du colloque était de comprendre la manière dont la CGT a traversé une période particulièrement difficile. Là, je cite le texte du colloque. Et donc une période dans laquelle a été remise en cause les termes, les objets, les modalités des débats internes, des orientations adoptées et les traductions organisationnelles, tactiques et stratégiques, les échos au sein du salariat et dans la société française de cette crise. Pour les organisateurs du colloque, entre 75 et 95 se passe un réel basculement de la place du syndicalisme en France et donc de la place de la CGT dans ce contexte, sachant que la CGT était et reste le syndicat généralement majoritaire dans un certain nombre de branches et d'entreprises. Donc les organisateurs du colloque ont voulu associer à la fois des militants, des historiens, des sociologues, des politologues à une réflexion collective sur cette crise, comment la CGT a pu la traverser et la CGT au pluriel, donc les CGT au niveau de différentes hiérarchies qui peut rencontrer les syndicats. Donc il y a eu une cinquantaine d'interventions, donc c'est quand même à noter, une cinquantaine de personnes qui sont venues intervenir sur ces questions-là. La session donc était organisée en atelier, avec quatre ateliers et des sessions plénières. Donc pour rappeler rapidement le programme de ce colloque-là, il y avait des introductions qui étaient faites à la fois par des politologues et des membres de l'IHS de Paris, qui présentait un petit peu les buts de ce colloque-là et qui commençait à donner quelques pistes de réflexion, notamment en termes de syndicalisation, etc. Et après, il y avait des travaux en atelier, donc quatre ateliers, un atelier crise, analyse et mobilisation, un atelier syndicalisme, rupture et recomposition, un atelier la CGT en question et un atelier orientation, perspective politique et terrain. Donc j'ai pas pu participer à l'ensemble des discussions, hein, mais j'ai pu aller dans certains ateliers pour écouter des anciens militants ou des chercheurs ou chercheuses qui nous ont parlé un petit peu de cette période-là et nous ont montré différentes facettes de la CGT durant cette période-là. Et moi, je suis plus spécialement intervenu dans le cadre de l'atelier 4, la CGT en question, avec un travail autour de la CGT, dans le bassin stéphanois principalement, et un travail à différents échelons, aussi bien au niveau de l'union départementale CGT qu'au niveau de l'union locale et des unions locales de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy, etc., mais également aussi au niveau des sections syndicales d'entreprise. Donc l'idée, c'était de ratissé assez large, dans un travail qui est encore entre guillemets une idée, dans la mesure où il n'y a aucune étude concrète qui n'existe sur la CGT dans le bassin stéphanois pour les périodes, la période allant des années 60 à 80 en fait. Donc j'ai pu poser les bases, on va dire, de quelques pistes de réflexion, de recherche, mais c'est encore un travail en construction et qui n'est pas abouti. D'accord. Donc mon propos a été de montrer comment la CGT a traversé cette période de crise dans le bassin stéphanois. Sachant, et j'ai dû le répéter lors des discussions après mon intervention, qu'une des spécificités du bassin stéphanois, justement, c'est la précocité de la crise industrielle. La crise commence très tôt dans le bassin stéphanois, mais est très ciblée sur certaines entreprises. Dès les années 50, le cycle, une partie du textile et les mines sont en crise ouverte. C'est donc un précédent dans lequel il faut tenir compte dans notre analyse de la crise, la grande crise avec un grand C, si on voudrait, si on peut parler comme ça, de la crise des années 70 qui s'ouvre avec le choc pétrolier 73, etc. Donc il y a un précédent dans le bassin stéphanois et cette précocité de la crise m'incite à penser que la CGT n'a pas eu à s'adapter d'une manière très radicale à ce contexte de crise. Quand la crise économique de 70 arrive, il y a déjà eu des précédents dans le bassin stéphanois. Elle avait déjà connu un certain nombre de boires à déboires au niveau des industries. Par contre, il ne faut pas négliger le fait que la crise des années 70 est une crise profonde, durable, et qui va mettre en avant des restructurations très importantes au niveau du tissu industriel du bassin stéphanois. Donc en ce sens, c'est clair que la crise des années 70 est nouvelle à ce niveau-là. Par contre, il ne faut pas oublier que la CGT avait déjà été confrontée à un certain nombre de problèmes, notamment la fin des mines qui avait été annoncée en 73 et qui avait été reportée à 1983. Donc on n'est pas sur une terra incognita au niveau des crises. Pour parler franchement, les militants ne se prennent pas la crise dans la figure de la même manière que pouvait se être vécu une crise dans une industrie qui avait été créée récemment ou dans une entreprise qui avait été montée récemment dans tel ou tel coin de la France. Là, on est dans un bassin qui a connu des crises bien avant. Donc la CGT avait déjà des expériences au niveau de crise. Et si on veut étendre la notion de crise à la crise syndicale proprement dite, dès les années 40, la CGT entre en crise, puisque à la fin des années 40, la CGT se divise en deux, avec FO d'un côté et la CGT plus proche du Parti communiste de l'autre. Donc il y avait déjà aussi eu des prémices d'une crise syndicale. Et d'ailleurs, si on voulait même aller plus loin, on peut se rendre compte que les syndicats sont régulièrement, si on veut, en crise. Il faut juste, je pense, faire la différence entre ce qui est le fonctionnement normal d'un syndicat et d'une union départementale ou d'une union locale, avec tout ce que cela comporte de débats, de crises internes, de conflits ordinaires, et un fonctionnement entre guillemets anormal d'un syndicalisme qui entre vraiment en crise sous les effets d'une crise économique très large et qui remet en question toutes les bases et toutes les structures des organisations syndicales. Donc faire la distinction entre les débats, les crises récurrentes au sein du syndicalisme d'un côté et les crises qui sont vraiment provoquées par des facteurs externes et qui vont avoir des conséquences assez importantes au niveau de l'organisation en interne. Mon propos avait été très simple, hein. J'ai proposé une lecture chronologique des faits, sachant que j'aurais pu très bien choisir et cibler certaines thématiques que je vais développer dans le papier, parce que normalement il doit y avoir une édition de ce colloque, donc des actes du colloque qui seraient édités aux presses universitaires de Rennes. J'ai pas encore la date, mais moi j'ai distingué dans un premier temps déjà l'approche chronologique. D'accord. On fait de l'histoire, donc à l'arrivée la chronologie peut nous éclairer déjà dans un premier temps. Il y aurait tout un tas d'approches thématiques qui seraient importantes, les voies, les effectifs, les luttes, les stratégies qui sont mises en place par la CGT, les analyses de la situation économique. Donc voilà, moi j'ai fait une lecture assez chronologique des choses. Découpage chronologique qui n'est pas facile du tout à mettre en avant, dans la mesure où les organisateurs du colloque avaient proposé 1975, en gros 1995, comme borne chronologique, et un certain nombre de communicants ont montré que ces bornes chronologiques n'étaient pas satisfaisantes et qu'elles méritaient d'être discutées. Donc l'idée a été de revoir un petit peu ces bornes chronologiques à travers l'exemple du bassin stéphanois. D'accord. J'ai donc proposé une lecture en deux temps. Une lecture qui commence en 1975, j'ai pris la date butoir qui était proposée par les organisateurs du colloque, 1975 dans un premier temps, jusqu'à environ 1977, où on peut parler d'une période faste pour la CGT au niveau local. Et après j'ai proposé une lecture qui part de 1977 à 1985, sachant qu'on pourrait très bien redécouper à l'intérieur des sous-périodes, mais j'ai voulu faire une lecture globale dans la mesure où j'ai l'impression qu'à partir de 1977, on entre vraiment dans une crise de plus en plus profonde au niveau des organisations CGT du bassin stéphanois. Donc, première partie, 1975 à mars 1977, j'ai titré cette partie-là « Nous vivons une période exaltante ». C'est un propos qui a été repris d'un texte d'un militant qui dit texto « Nous sommes dans une période exaltante ». Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, les données, en 1975, la CGT dans le bassin stéphanois est assez puissante. Elle est même de plus en plus puissante si on ne veut pas là. Et si l'on s'en tient aux chiffres qu'on nous propose quant au nombre de syndiqués à la CGT. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, la CGT du bassin stéphanois entre 1975 et 1977 est encore dans une dynamique importante où il y a des sections syndicales qui se créent, il y a un nombre d'adhésions qui continue de se faire à un rythme assez élevé, assez soutenu. Et donc la CGT est dans une période où elle a le vent en poupe, si on veut aller par là. Alors, si on confronte au niveau national à ce que dit un observateur de la syndicalisation et de la désyndicalisation, qui est Antoine Bévor, ça voudrait dire que la CGT sera dans la Loire sera en décalage avec le niveau national, puisque Antoine Bévor, lui, constate, fait remarquer, dit, je ne sais pas ce qu'il faut employer comme terme, que les adhérents de la CGT baissent à partir de 1973 et que c'est une, et que ça va être une baisse continue. Lui, il va, je crois, dans les chiffres que j'ai vus dans cette étude qui s'appelle Compter les syndiqués, il va jusqu'en 88 et on a une baisse continue des adhérents de la CGT au niveau national. Donc il y aurait là un décalage de la Loire. Un petit décalage de la Loire. Décalage qu'il faut aussi remettre peut-être en perspective avec la dynamique que connaît le Parti communiste français à l'époque dans le bassin stéphanois où, selon certains travaux, il y aurait eu une certaine recrudescence des militants politiques au Parti communiste à la fin de ces années 70. Donc on se retrouve dans une situation où, quoi qu'il en soit, la CGT n'a pas la même puissance qu'elle pouvait l'avoir au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est général à tous les syndicats. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les chiffres officiels, la CGT semble avoir un certain regain d'activité et d'adhésion durant ces années 75-77, qu'il faut remettre, je pense, dans le cadre du programme commun. C'est ce qui est frappant quand on lit les travaux de la CGT à l'époque, donc les différentes sources que j'ai pu consulter, aussi bien le Travailleur syndicaliste, qui était le journal de l'Union départementale CGT de la Loire, que les tracts, que les archives privées que j'ai pu consulter, où on se rend compte quand même que cette dimension politique est indéniable et permet, je pense, soit de camoufler une certaine fragilité de la CGT, soit en tout cas de permettre d'envisager des lendemains qui chantent. Et c'est ce qui est intéressant de constater, c'est qu'entre 75 et 77, bien que le chômage commence à augmenter considérablement dans la Loire, la perspective d'une sortie politique de la crise favorise l'action de la CGT en tout cas. Donc les chiffres, c'est des chiffres officiels que j'ai eus. Bien sûr, il y a des débats toujours incessants sur la syndicalisation. D'ailleurs, lors du colloque, une intervenante de l'IHS CGT de Paris a pu rétablir une sorte de vérité quant au nombre de syndiqués à la CGT et nous a dit que finalement, oui, il y avait quand même un gonflement des effectifs officiels, mais qu'officieusement, on était dans une fourchette beaucoup plus basse, 1,5 million environ d'adhérents dans les années 70 à la CGT. Quoi qu'il en soit, dans le bassin stéphanois, on sent quand même un certain dynamisme de la CGT, et il se constate au niveau des luttes, il se constate au niveau des mobilisations qui sont possibles et qui témoignent d'un syndicalisme assez vivace. Mmh. Vivacité qu'on pourrait mettre en contexte aussi, et on en reparlera la prochaine fois, avec une forme d'unité d'action assez importante avec la CFDT. Tout à fait. Hein ? Donc on est dans une période où les conflits sont très importants, sont nombreux, et notamment 1976, c'est, dans les recherches que j'ai pu mener, le pic du nombre de conflits dans le bassin stéphanois, avec environ 80 grèves répertoriées durant l'année 76. L'UD va débuter cette année 1976 par une conférence de presse autour du thème de l'emploi et du chômage. Et on va d'ailleurs voir une traduction concrète dans le Travailleur syndicaliste qui va, à partir de cette année-là, mettre régulièrement une rubrique sur le chômage dans le bassin stéphanois et dans la Loire en général. Et cette montée du chômage va favoriser l'unité d'action qui se confirme à différentes échelles avec la CFDT, mais aussi, par exemple, FO ou la CGC. Il y a des assises départementales du chômage qui vont se tenir, donc on voit bien quand même que cette question de la crise économique et industrielle travaille la CGT, mais lui permet en même temps d'avoir des billes, si je peux dire, pour contrer les politiques qui sont menées alors. Il ne faut pas oublier qu'en 76-77, le ministre du Travail en France est M. Durafour. M. Durafour qui est maire de Saint-Étienne. Ce qui donne à l'UD CGT de la Loire un opposant de taille, mais en même temps une cible très facile pour critiquer l'action du gouvernement. Donc on se rend compte que l'UD va être en plein dans cette politisation, si je puis dire, et que le programme commun va en plus favoriser cette lecture d'un débouché politique à la crise économique. Et donc ces années 76-77 sont entièrement mises sous une sortie politique de la crise. Du moins, c'est l'impression qui ressort des archives que j'ai pu consulter. Pour autant, les syndicats continuent à s'inquiéter de la montée du chômage dans le bassin stéphanois, mais maintiennent toujours cette idée que le débouché politique va pouvoir renverser cette tendance. Le plan Barre de septembre 1976 va favoriser encore l'offensive de la CGT et accentuer le débouché politique à la crise. La CGT a donc le vent en poupe et l'approche des élections municipales de 1977 va accentuer cette politisation, puisque le secrétaire de l'Union départementale CGT n'est autre que Joseph Sangdols, qui va prendre du recul par rapport à l'UDCGT pour présenter sa candidature à la demande du Parti communiste, pour présenter sa candidature en tant que maire de Saint-Étienne. Et il va gagner. Donc la gauche va prendre le pouvoir à Saint-Étienne et dans un certain nombre de villes du bassin stéphanois, et on remarque un certain nombre de militants CGT à la tête de municipalités. Donc Joseph Sangdols à Saint-Étienne par exemple, ou M. Géry à Rive-de-Gier, qui sont tous des militants de la CGT. Donc on voit bien qu'il y a quand même des accointances avec le milieu politique, et ce débouché politique à la crise semble être opératoire. Il n'empêche que, à partir de 1977, et c'est ça qui est intéressant, au moment où la municipalité passe à gauche, on commence à se rendre compte qu'il y a un certain nombre de défaillances au sein de l'organisation CGT de la Loire, que ce soit au niveau de l'union départementale ou des unions locales. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont soulignés par les militants, et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que la période exaltante qui était vécue au préalable commence un petit peu à s'effriter, et on a l'impression vraiment de rentrer dans une nouvelle période. Et c'est là un peu l'ambivalence ou l'ambiguïté des choses, c'est que c'est au moment où la perspective d'un changement politique est toujours prononcée avec le programme commun, c'est ce moment où la municipalité passe à gauche, pour une grande ville comme Saint-Étienne, que finalement les critiques vont commencer à se faire jour et être peut-être de plus en plus précises. Comme si cet espoir d'une sortie politique de la crise était démenti par les faits, on se rend bien compte que finalement il n'y a peut-être pas autant de pouvoir que ça, ne serait-ce qu'au niveau municipal, pour enrayer une crise économique et industrielle qui s'accentue. Alors, ce que tu dis, là, j'ai envie de faire un rapport, mais je n'ai pas ma chronologie complètement en tête. Parce que, bien entendu, les élections municipales étaient un objectif très important pour le PCF et pour le Parti Socialiste. Et la CGT était engagée à fond, et on reviendra là-dessus la prochaine fois, plus que la CFDT, dans ce combat politique-là. Mais, et donc, il n'était pas question qu'il y ait des critiques à l'intérieur des partis du programme commun avant les élections municipales. Mais par contre, les discordances à l'intérieur des partenaires du programme commun vont se faire entendre après les élections municipales. Et le PCF, alors pour la CGT, je ne sais pas exactement moi, mais le PCF va demander une renégociation du programme commun. Et dans l'espoir de... dans l'espoir de montrer que le Parti Socialiste n'était pas si à gauche que ça, et dans l'espoir de peut-être de reprendre le dessus sur le Parti Socialiste, parce que le PCF s'aperçoit au bout d'un certain temps que dans des élections législatives partielles, son score baisse par rapport à celui au profit du Parti Socialiste. Et alors, je ne sais pas quel est le rapport... Enfin, il y a un rapport évident entre la CGT et le Parti Communiste, mais pour la stratégie de la CGT, c'est difficile à dire. Mais peut-être qu'il y aurait ces critiques à l'intérieur de la CGT qui pourraient être aussi en lien avec ce débat entre le PCF et le Parti Socialiste. Mais c'est une question que je te pose, je n'ai pas la réponse. Et les sources sont très discrètes là-dessus. J'ai voulu, et j'ai insisté là-dessus, me contenter de travailler à partir de sources écrites. Je ne voulais pas rencontrer, même si j'en ai rencontré, un certain nombre d'acteurs de l'époque, dans la mesure où je ne voulais pas qu'il y ait une reconstruction a posteriori des événements. Et je voulais m'attacher vraiment à travailler sur le texte. Les textes, les différents travaux, les différents tracts, etc., que j'ai pu consulter. Et il y en a un certain nombre. Et c'est vrai que quand on en reste au niveau textuel, on ne se rend pas compte de ces critiques ou de la mise en sourdine de ces critiques jusqu'en 77. Finalement, par contre, on se rend bien compte qu'après, en 78 notamment, à partir de 1978 et l'échec aux législatives de 78 qui était un espoir énorme pour tout le programme commun, que les critiques vont se faire jour et vont être beaucoup plus nombreuses et de plus en plus radicales. Donc c'est vrai qu'après, il faudrait faire une enquête beaucoup plus approfondie, rencontrer beaucoup de témoins pour avoir plus de sons de cloche, si je puis dire, sur comment ça se passait en interne. Mais les sources, pour l'instant, sont muettes à ce sujet-là. Ouais, mais... Si tu veux, sur la forme, c'est une question qu'il me semble que tous les historiens se posent maintenant. Bien entendu, les témoins peuvent reconstituer après coup ce qui s'est passé, mais en même temps, les témoignages peuvent aussi être confrontés aux sources écrites. Et parfois, les témoignages pourraient confronter des sources écrites ou bien les démentir ou bien... Voilà. Mais donc, ça, c'est une question de forme. À creuser, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit. Là, c'est une première ébauche, comme il n'y a aucun travail qui n'existe dessus. Moi, je me suis contenté, dans un premier temps, d'essayer d'avoir une lecture ne serait-ce que chronologique des faits pour pouvoir remettre après dans un contexte plus général. Alors, je voudrais dire autre chose qui me semble important, même si on en reparlera la prochaine fois, c'est que la CFDT a une attitude, on va dire l'UDCFDT de la Loire a une attitude plus réservée par rapport au programme commun. C'est-à-dire que il me semble que dans toutes les manifestations communes, et alors là les textes sont très intéressants parce que en général la CGT finit la manifestation en disant la solution c'est le programme commun, et on a plein d'exemples où le responsable de la CFDT dit alors la solution, d'accord, c'est en partie le programme commun, mais c'est aussi la mobilisation. C'est-à-dire que si on continue pas à se battre, d'abord il faut se battre là, maintenant, tout de suite, pour obtenir satisfaction des revendications, ou peut-être pour obtenir la diminution des licenciements, mais ça, ils ont beaucoup de peine à l'obtenir dans tous les cas. Mais c'est aussi pour dire, même si on a le programme commun, il faut commencer à se battre et maintenir la mobilisation, parce que pour pas que cette victoire, d'une certaine façon, soit pas une vraie victoire. À la Pyrrhus, on va dire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'un certain nombre... Alors là, ce serait quelque chose vraiment à creuser. Les connexions qu'il a pu avoir entre la CGT et la CFDT à l'époque sont certaines. Par contre, la reprise des mots d'ordre de la CFDT par la CGT dans les années 80 me semble assez claire. Par contre, il faudrait creuser. Parce qu'on retrouve un certain nombre de thématiques qui ont été mises en avant par la CFDT dans les années 70, qui vont être reprises d'une manière un peu différente, mais qui vont être quand même reprises par la CGT dans les années 80, notamment la question de l'autogestion, par exemple, qui a été un cheval de bataille de l'UDCFDT de la Loire durant toutes les années 70, et de la CFDT en général, mais bien pris en avant par l'UDCFDT de la Loire. Et cette thématique va être reprise par la CGT dans les années 80. Et ça va pouvoir donner aussi la naissance de tout ce qui est les SCOP, qui s'inspire un petit peu de cette optique d'autogestion. Quoi qu'il en soit, c'est que, on le verra dans une deuxième partie, à partir de 1977 et après ces élections, la syndicalisation à la CGT commence à baisser sous les coups de la crise économique et peut-être aussi de ses dissensions politiques. Donc c'est ce dont on parlera après une petite pause musicale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison de l'ensemble de la terre, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. Nationale sera le genre. Programme commun, mais aussi l'international cher à la CGT, cher au, qui se chantait aux fins de manifestations à l'époque dans les années 1970. Alors, reprise de l'exposé, entre guillemets, sur cette crise vécue par la CGT, la clé preuve des crises pour la CGT. Donc, je disais que à partir de 1977, on voyait poindre vraiment des premières critiques officielles en interne à la CGT. Surtout, ce qu'on constate, c'est les adhésions qui sont en baisse par rapport aux années précédentes. Donc, et là, il faut vraiment mettre ça en relation avec la crise économique qui, à partir de 1977, se développe et se généralise d'une manière dramatique dans le bassin stéphanois, avec des fermetures d'entreprises, des entreprises en dépôt de bilan, en règlement judiciaire, à l'appel, c'est le cas de le dire. Finalement, c'est normal, entre guillemets, que les adhésions baissent. Il y a de plus en plus de chômeurs et de moins en moins de travailleurs. Donc les adhésions ont tendance à baisser. Et en plus qu'il y a les adhésions, mais il y a aussi un certain nombre de ce qu'on appelait les bastions syndicaux qui sont touchés de plein fouet au fur et à mesure par les licenciements ou par les fermetures. Ou les restructurations. Oui. Il suffit de citer Saint-Chamond, Creuse-Loire, Saint-Chamond, qui, de 2500 à 3000 employés, essentiellement des ouvriers dans les années 70, va éclater en 3 ou 4 unités différentes sur le même site. Donc pour les syndicats, c'est des stratégies complètement différentes. Ils sont dans une même entreprise depuis des années, où ils ont réussi à mettre en place une certaine tradition syndicale, et ils se retrouvent avec 4 entreprises différentes affiliées à un même groupe, mais qui ont des structures différentes, donc des logiques différentes, et finalement ont des raisons et des manières de vivre différentes. Donc pour les syndicats, tout l'enjeu, ça va être de prendre en compte ces nouvelles structures et réorganiser l'action syndicale dans un site qui reste le même, mais qui est éclaté en plusieurs unités. Et c'est vrai que le Saint-Chamond, Creuse-Loire-Saint-Chamond, c'est un exemple assez emblématique. C'était quand même une place assez forte de la CGT. Et finalement, elle se retrouve éclatée elle-même en plusieurs unités. Et on va se rendre compte qu'à partir de ces années-là, les luttes ouvrières au sein de Creuse-Loire-Saint-Chamond, par exemple, vont être beaucoup plus limitées et beaucoup plus difficiles à mener. Alors que quand on était dans une même structure auparavant, les syndicats pouvaient s'adresser à tous les travailleurs de la même façon. C'est la même chose qui se passe à Firmini, qui était quand même la plus grande entreprise du bassin stéphanois, avec plus de 5000 ouvriers quand même, et qui va éclater elle aussi au début des années 80 en plusieurs petites unités. Et finalement, on va se rendre compte que le syndicalisme est en plein désarroi face à ces nouvelles conjonctures. Quoi qu'il en soit, la crise de la CGT et les adhésions qui sont en baisse s'affirment à partir de 1977. En octobre 1977, par exemple, lors d'une journée d'études, un secrétaire déclare, et je cite, que la CGT est forte. Mais peut-être, à force de le répéter, ne finit-on pas par s'en accommoder et se contenter de la situation actuelle. Il nous faut impérativement donner un coup d'arrêt à cette baisse de recrutement. Il avance plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette baisse de la syndicalisation. L'entrave à l'activité syndicale, mais ça finalement ce n'est pas si nouveau que ça. Les difficultés objectives découlant de la division syndicale, pardon. On est dans une période d'unité d'action, mais... Mais ça n'est quand même pas si nouveau que ça. Mais ça n'est pas si nouveau que ça. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Par contre, une analyse peut-être un peu plus intéressante, la situation change selon lui, les mentalités, les comportements aussi. Les travailleurs ne sont plus les mêmes que dans les années 60, et les jeunes arrivent conditionnés, je cite, par l'école, le lycée ou l'université. La CGT n'est plus seule à s'adresser aux travailleurs. Et c'est vrai que là, c'est un champ de recherche qui est beaucoup plus important parce que c'est les mutations du salariat et de la société française en général qui se répercutent sur l'activité de syndicats qui s'était créée dans une période où l'industrie était prépondérante. Et alors, cette préoccupation... Enfin, oui, bon, à chaque fois, peut-être je déborde un peu sur la prochaine émission, mais cette préoccupation du recrutement des jeunes qui était facile dans les années 50 et qui devient difficile dans les années 70 se retrouve absolument de la même façon à l'UDCFDT. Et c'est là qu'on peut se rendre compte surtout d'un basculement sociétal. C'est plus que le syndicalisme se fait l'écho. Et se fait l'écho de ces mutations de la société. Et en même temps, c'est logique. Les syndicats sont le reflet, d'un certain côté, des structures industrielles et de la société. Même s'ils ont toujours été plutôt minoritaires en France par rapport à d'autres grands pays, les syndicats se font l'écho de l'état de la société. Et finalement, c'est dans une certaine logique qu'on peut comprendre ces transformations. Et les militants de l'époque sont confrontés à ces questions-là. Est-ce qu'ils vont réussir à les résoudre? C'est une autre question. Pour finir sur l'autocritique qui est mise en avant par ce militant, il dit « Il y a les difficultés qui proviennent de nos propres insuffisances ou des défauts de notre travail. Composition des organismes de direction pas toujours à l'image de ce qu'est la CGT. Sous-estimation de la bataille des idées. » Donc, on se rend bien compte qu'il y a quand même un petit basculement qui se produit à partir de 1977 et l'échec des élections de 1978 ne va pas favoriser du tout cette situation. Des ouvriers vont déchirer leur carte de la CGT ou du Parti communiste dans la vallée du Gier, par exemple. Ce qui n'était pas produit, en gros, depuis 1948, quasiment. Donc, on se retrouve dans une situation nouvelle que la crise économique et industrielle va intensifier. Alors, oui, mais il me semble qu'il y a autre chose. C'est qu'à partir du moment où la stratégie était quand même fondée essentiellement sur la victoire du programme commun avec... Enfin, il me semble, pour beaucoup de dirigeants de la CGT, ça signifie un parti communiste fort. Et où le programme, enfin les élections législatives se traduisent par la défaite des partis du programme commun, c'est ressenti très... Ça ne m'étonne pas que ça soit ressenti très douloureusement et qu'il y ait des militants qui déchirent leurs cartes. À la CFDT, on a aussi la même réaction. On accuse les partis d'avoir trahi, justement, pour des raisons de politique interne ou de lutte interne, leur engagement. Et on essaye de dire, il ne faut pas se décourager, les gars, il faut qu'on continue et il faut qu'on relance l'unité à partir de la base. Ce qui est assez idéaliste. Mais je veux dire que ce n'est pas étonnant. D'une certaine façon, ce centrage sur la victoire du programme commun était tel que ce n'est pas étonnant qu'il y ait des militants qui déchirent. Il y a des répercussions. Et d'ailleurs, le recentrage sur l'entreprise dont tu parles, on va le retrouver exprimé d'une manière claire dans les années 80, à partir de 85 à la CGT. D'accord. Comme si elle se rendait compte, elle-même, après coup, qu'elle a peut-être trop centré son discours sur des débouchés politiques à une crise ou à des solutions politiques. Et finalement, qu'elle s'était écartée de son travail concret qui est de faire vivre un syndicat au sein des entreprises. Alors ça, il me semble que c'est très intéressant parce que là, on parle de recentrage et il me semble que la CFDT va connaître, enfin, c'est pas il me semble, mais la CFDT va connaître un recentrage qui est très connu. Et moi, dans la thèse que j'ai écrite sur l'UDCFDT et en ayant réfléchi au congrès de Grenoble de la CGT, il me semble que Georges Segui va lui aussi tenter un recentrage de la CGT dans la lutte dans les entreprises. D'ailleurs, à ce propos-là, lors du colloque auquel j'ai participé, un certain nombre de militants ont réfléchi ou se sont posé la question de savoir s'il y avait eu un recentrage au sein de la CGT. Officiellement, il n'y a pas eu de recentrage. Ils ne veulent pas l'exprimer comme ça, c'est simplement une évolution. On prend en compte des évolutions structurelles, politiques, et on essaie de travailler à partir de ça. L'historien, lui, peut essayer de se demander s'il n'y a vraiment pas eu une sorte de recentrage. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une sorte de recentrage. Pour citer un secrétaire de la commission formation à l'IDCGT, qui analyse la situation en cours en 77, il dit « Après chaque période de grande activité, il faut un certain recul, permettant à tout à chacun de réfléchir, d'analyser d'une façon saine, sans passion, mais avec franchise, la situation. » Depuis février 77 jusqu'à ces derniers jours, nous avons tous vécu des moments intenses sur le plan syndical et nous voudrions essayer, avec tous les militants CGT de notre département, de réfléchir sur cette période, en tirer les leçons pour l'avenir. Et plus loin, certains militants n'ont aucune formation syndicale. C'est une carence. Il parle de, et il met en avant ce problème de formation des cadres syndicaux. Et tout ça dans l'optique pour que vive le programme commun. Donc ils sont quand même encore dans cette optique de programme commun, mais là, ce serait plutôt un programme commun au bénéfice du Parti communiste. Mais il demande plus loin, cette carence n'a-t-elle pas été un frein pour nos militants pour débattre avec des arguments au lieu de slogans? Et là, on retrouve quand même une critique, même si elle ne dit pas son nom, une critique de leur action, de leur propre action, à reprendre les slogans du programme commun tels qu'ils étaient mis en avant lors des manifestations entre 72 et 77. Là, ils sont en train de se dire, mais finalement, on n'a peut-être pas été trop loin dans cette perspective politique. Et débattre avec des arguments au lieu de slogans, c'est quand même une forme d'autocritique qui ne dit pas son nom. Et là, on se rend compte que des bases vacillent quand même. Il dit aussi qu'il faut redescendre dans les UL, qu'il faut redonner de la vigueur aux unions locales, qui sont délaissées. Et en fait, derrière les unions locales, on retrouve toute la question de l'interprofessionnel. Et finalement, entre l'UD, qui essaye d'organiser au niveau départemental des actions interprofessionnelles, et les sections d'entreprises qui, elles, sont confrontées directement à la crise économique, il y a une nouvelle carence qui voit jour, en fait. C'est comment mener une action interprofessionnelle dans un moment de crise et où les entreprises sont tellement en difficulté que les syndicats ne peuvent que réagir localement et dans leur entreprise. Et là, il y a toute une question de fond qui est posée aux syndicalistes à l'époque. Et la CGT la prend de plein fouet. D'autant plus qu'elle était majoritaire dans un certain nombre d'entreprises, si ce n'est la majorité des entreprises, qu'elle était majoritaire dans les élections des prud'hommes, qu'elle était majoritaire aux élections de la sécurité sociale, qu'elle avait des bastions très forts dans le bassin stéphanois. Et finalement, ils sont pas obligés de se replier sur leurs entreprises. Et c'est ce qu'on va retrouver comme thématique dans les années 80, quand les militants de l'UD vont dire « il faut recentrer le travail sur leur entreprise ». Et là, on retrouve un peu un retour aux sources, que cette période de parenthèse avec cette perspective politique avait un peu mis de côté, j'ai l'impression. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, mais il n'y a peut-être pas que ça, parce que si je raisonne toujours, moi, par rapport à la CFDT, ils vont avoir les mêmes difficultés à faire marcher les unions locales. Et sans doute que la raison que tu donnes est la bonne, c'est-à-dire que face à la crise, face aux menaces de licenciement dans les grandes entreprises, les militants qui se trouvent principalement dans les grandes entreprises, ils vont se centrer sur essayer de faire échec au licenciement dans leur entreprise. Et très souvent, les unions locales à la CFDT, à cette époque, on dit qu'elles sont délaissées et qu'on n'arrive plus à faire de travail interprofessionnel. Et c'est ce qu'on retrouve au final aussi à la CGT. C'est ça qui est très intéressant. Donc c'est dans ce contexte-là où la crise commence à émerger officiellement au sein de la CGT que le congrès de Grenoble de 1978 a lieu. Ce congrès doit donner un débat comme l'on n'en a jamais connu, dit le travailleur syndicaliste. Et ce congrès doit être un brassage d'idées sans précédent. Et fin septembre 78, plus de 600 militants auraient participé à une discussion autour de ce congrès de Grenoble. Congrès qui est jugé d'audacieux, de novateurs et de conquérants, pour reprendre des mots du travailleur syndicaliste qui eux-mêmes les reprenaient de mots d'ordre confédéraux. Dans un but, c'est que la CGT corresponde aux besoins de notre temps. Et là, on se rend bien compte quand même que la CGT est travaillée par ces mutations sociétales et ces mutations industrielles. Et on va se rendre compte finalement que les années après vont montrer justement peut-être l'échec de cette volonté de recentrage, entre guillemets, et de faire correspondre la CGT aux besoins de notre temps. Puisque en 80, Georges Séguy va partir et c'est Henri Krasucki qui va prendre la tête de la CGT et qui va mener une ligne très proche de celle que le Parti communiste français Ah, l'époque, tiens, l'époque. Donc on voit bien que finalement, même lors d'un congrès comme ça, ça nous montre à la fois les limites et les possibles qui étaient ouverts à la CGT, mais finalement, on peut se demander si elle en a vraiment pris acte. Et lors du colloque en général, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce congrès de Grenoble. Certains militants ont voulu minimiser les faits. Certains militants ont dit que les historiens ou les sociologues en disaient exagérer ou s'accrochaient trop à certains mots. Mais c'était la même chose d'ailleurs pour le congrès de 1995. Il y a eu une très belle analyse de Sophie Bérou, qui est politologue à Lyon 2, qui a montré que ce congrès de 1995 avait été en quelque sorte aussi une remise en question et une synthèse de tout ce qui s'était passé les 15 ou 20 années précédentes. Des militants lui ont dit « Non, mais vous prenez trop d'importance à certains mots, etc. » La réponse a été très bonne, mais il y a des manières de dire. Et c'est vrai que quand on regarde les textes, la manière dont sont avancés les propos, ça nous signale quand même qu'il y a des remises en question profondes qui émergent quand on veut lire entre les lignes, en fait. Parce qu'il y a des manières de dire les choses. Et on se rend bien compte qu'à la CGT, ça devait être la même chose à la CDT, qu'il y a la manière d'avancer des arguments. Et cette manière-là, elle ne peut pas tromper. Parce qu'on se rend bien compte que finalement, il y a des vraies remises en question. Et c'est pas parce qu'on nous dit « oui, mais vous portez trop d'attention à certains petits morceaux de texte », non. Bah, je pense qu'il y en a un autre qui a porté beaucoup d'attention à ça, c'est Georges Séguy lui-même. Parce qu'on a un certain nombre de déclarations de Georges Séguy qui dit clairement qu'il était sur une ligne au moment du congrès de Grenoble qui a été abandonnée un an plus tard avec l'élection d'Henri Krasucki à la tête de la CGT. Bon, mais passons, continue. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que finalement, ce congrès de Grenoble qui avait ouvert des possibles débats au sein de la CGT, qui vont avoir lieu quand même au niveau local, vont s'épuiser très rapidement. La crise aidant, on va repasser à une action beaucoup plus traditionnelle de défense de l'emploi, sans remettre en cause fondamentalement la manière d'agir. Mais en même temps, avec cette crise économique qui s'accentue, les militants, et la CGT en particulier, n'a pas d'autre choix, quasiment, que de lutter pour défendre l'emploi. Et cette crise économique va balayer, en fait, ces questions peut-être de fond sur comment fonctionnait le syndicalisme, parce que les syndicats sont acculés à réagir face à cette crise économique. On est encore dans une perspective, en plus, quand même, où il y a une unité d'action, quand même. En 79, il y a quand même une grande manifestation dans la Loire qui fait l'unité, et qui veut mettre en avant le slogan « La loi veut vivre », etc. Oui. Donc on est quand même dans une perspective, maintenant, de sauver l'emploi. De défense. De défense de l'emploi. De défense des emplois. Et comme le disait un syndicaliste, me l'a dit un syndicaliste CGT, en gros, dans ces années 75-79, on est passé d'un syndicalisme de conquête à un syndicalisme de défense. Et c'est la nature même du syndicalisme qui change à partir de ce moment-là. Ouais. Et la CGT, comme la CFDT, va devoir travailler et composer avec ce nouveau contexte. Alors, c'est pas seulement en février 79, il y a une grande manifestation, enfin, la plus grande manifestation, c'est février 79, mais il y a déjà une montée, puisqu'il y a une première grande manifestation en décembre 1978, en février 79, il y a 45 organisations qui appellent à cette manifestation, et moi, il y a un militant qui me disait que les militants du GIER étaient venus en quart jusqu'au Géant Casino, et qu'en fait, il y avait tellement de monde qu'ils n'étaient jamais arrivés sur la place de l'Hôtel de Ville, quoi. C'était fini quand ils étaient arrivés sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc ça a été une manifestation énorme, et ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que cette manifestation énorme va déboucher sur le début de la rupture entre les deux UD. Au contraire, exactement. L'unité d'action va de plus en plus battre de l'aile entre la CGT et la CFDT. D'autant plus qu'au sein même de la CGT, les débats s'accentuent. Un délégué métallurgiste, par exemple, déclare qu'il ne fait aucun doute que la CGT a eu raison de soutenir le contenu social, économique et démocratique du programme commun. Mais avons-nous été effectivement compris ? Tandis qu'un autre, des Métaux Nord de Saint-Étienne, reproche au rapport d'activité qui est proposé par l'UDCFDT de ne pas être complet. De ne pas être complet. Rien sur les échecs de la CGT. Donc c'est vrai qu'après, on a ce biais des sources qui nous montre le côté positif de l'action cégétiste, mais qui ne nous montre pas du tout les travers que peut connaître la CGT. Donc c'est vraiment à partir de quelques bribes qu'on peut se sentir la crise s'accentuer. De plus, selon ce militant des métaux Nord-Saint-Etienne, l'UD doit être le centre de réflexion pour la CGT en ce qui concerne la Loire. Elle doit être efficace, c'est aux travailleurs de la Loire de prendre en main leurs problèmes, à eux seuls de choisir les moyens pour aboutir. En lisant cette phrase, on peut aussi émettre quelques hypothèses sur une critique édulcorée, mais une critique du programme commun et de cette action toute politique de la CGT les années antérieures. Concernant l'unité d'action, il estime qu'elle devrait se faire sur des bases claires, sur des revendications précises, et mettre, si besoin, et les autres organisations au pied du mur. Donc, là, on est en train de... Il y a aussi une critique. Là, voilà, on est en train de repenser cette unité d'action. Et là, les enjeux politiques aussi prennent le dessus. Ils brouillent les pistes un petit peu. Enfin, toujours ce syndicaliste des métaux nord de Saint-Étienne, pour lui, l'UD, pour certains camarades, est un organisme fantôme. Le rôle et l'aide qu'elle doit apporter au syndicat en matière d'analyse et de compréhension des problèmes posés aux travailleurs, du rôle qu'elle joue, des décisions qui sont prises, à notre avis, ce rôle n'est pas tenu. Donc il y a même une remise en question, par certains, de la capacité de l'Union départementale à organiser une action cohérente au sein de la CGT. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est de montrer que c'est au moment où Joseph Sangdols quitte l'Union départementale CGT que les dissensions pointent le bout de leur nez, comme si il y avait vraiment une rupture de période à partir de 76-77. Vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai. Cependant, il ne faut pas le négliger aussi, il y a quand même des côtés entre guillemets positifs, la CGT reste le principal force syndicale du bassin stéphanois et de la Loire en général. Dans l'industrie, c'est tout à fait vrai. Dans l'industrie, la CGT, puisque les élections prud'homales, c'est par secteur d'activité. Et ben, dans le secteur industriel, la CGT obtient deux fois plus de voix que la CFDT. Donc c'est très important, ça montre la prépondérance de la CGT toujours à cette époque. Et on retrouve les éternelles critiques entre le nombre de personnes qui votent CGT, que ce soit aux élections professionnelles ou aux élections type prud'homme ou sécurité sociale, et les forces syndicales réelles. Et tous les syndicalistes de la CGT qui s'intéressent un peu à la vie de l'organisation et à la syndicalisation estiment vraiment que c'est pas normal qu'il y ait autant de voix pour la CGT et si peu d'adhérents, voire même perte d'adhérents. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'approche des élections présidentielles de 81 va repolitiser l'action, momentanément, mais va repolitiser l'action. En octobre 80, dans le cadre du conflit Manu-France, une grande manifestation est organisée à Saint-Étienne, qui va faire un écho assez considérable dans la presse. Georges Marchais va venir. Certains estiment même que c'est le début officiel de la candidature de Georges Marchais à l'élection présidentielle de 81. Et c'est vrai que cette manifestation, c'est une manifestation CGT, Parti communiste. Et elle va rassembler des dizaines de milliers de travailleurs. Donc les chiffres, ça va de 80 000 à 100 000 personnes selon les syndicats et les partis politiques. Les RG misent plus sur 15 à 20 000 personnes. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui n'a jamais été cité auparavant. Dans tous les chiffres que j'ai pu consulter concernant les grandes manifestations dans la Loire, c'est lors de cette manifestation que les renseignements généraux proposent le chiffre le plus gros qu'ils aient pu donner. Donc c'est quand même intéressant, mais il faut savoir qu'ils ont fait venir des militants de toute la France, avec une organisation très carrée de la part de la CGT, qui fait venir des militants ici à Carnot et d'autres vers Bellevue, et qui devaient se regrouper avec des codes couleurs, etc. Quoi qu'il en soit, la CGT va s'enorgueillir de cette grande manifestation, et même si c'est une manifestation qui n'est pas d'ampleur locale, finalement. Voilà. Et alors, Daniel Durand, qui est un militant communiste, alors je ne sais pas s'il est encore, mais qui a été militant communiste et qu'il était à l'époque, lui m'a donné le chiffre de 50 000 manifestants, effectivement venus de toute la France. Et il me semble que cette manifestation est très importante parce que là, l'UDCFDT, alors il y avait aussi le Parti Socialiste dans cette manifestation, et d'ailleurs le Parti Socialiste s'est fait prendre à partie par les militants CGT, par des militants CGT. Mais l'UDCFDT choisit de ne pas y aller parce qu'elle considère donc que c'est une manifestation politique. Et il y a un différent entre les deux UD sur la façon de mener la lutte pour Manu-France à cette époque-là, qui se complique en fait pour l'UDCFDT, parce que la fédération CFDT a choisi de signer la convention générale de la métallurgie qui permet à un certain nombre de gens de partir en pré-retraite, alors que la CGT a choisi de ne pas signer cette convention. Donc la CGT décide de faire une marche des métallurgistes sur Paris, à laquelle la CFDT s'oppose, et l'UDC-FDT qui y aurait participé pour garder l'unité d'action, je crois, en fait, est contrainte par des positions d'organisation de ne pas accepter. Et là, c'est très important parce que c'est vraiment une rupture, même s'il va y avoir à nouveau une unité d'action, mais c'est vraiment une rupture entre les deux UD. Profonde, ouais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, en février 81, la CGT peut parler de la CFDT comme de nos anciens partenaires. Donc c'est vraiment intéressant, on se rend compte que là, il y a cette rupture d'unité d'action qui est officialisée dans un contexte dégradé au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau de la vie syndicale au sein de la CGT. Alors, les RG vont même dire, alors je ne sais pas si tu as rencontré ça dans les archives, moi je ne l'ai pas rencontré, que dans des entreprises, des militants en étaient venus aux mains. J'ai vu aucune... j'ai pu éplucher un certain nombre de documents là-dessus. Il n'y a aucun moment... Il est indiqué des bagarres entre militants. Moi non plus. Mais les RG ont dit ça, alors je ne sais pas si... On n'a pas le détail précis, d'accord, en tout cas, de où ça se serait passé, d'accord, dans quel contexte, etc. Donc c'est après les élections qu'il y a le 26e congrès de l'UDCGT de la Loire. Et ce 26e congrès va acter des transformations structurelles pensées depuis quelques années, notamment la place des UL. Donc c'est intéressant, c'est de voir que c'est quand même à ce moment-là aussi que la CGT, au niveau local, va essayer... C'est aussi des choses qui sont impulsées par la Confédération au niveau national. Hein. Mais la CGT va traduire ces mutations au niveau des structures. Donc il y a aussi, à ce moment-là, une refonte des structures, des statuts de la CGT au niveau local, qui nous signale aussi des difficultés, ou du moins des débats internes, pour créer un syndicalisme en phase avec son temps. Mais l'important n'est pas là, en fait, j'ai l'impression, c'est que l'un des aspects les plus importants, c'est les finances. L'UD de la Loire, CGT, et les UL, notamment l'Union locale de Saint-Étienne, qui était l'union locale la plus importante du bassin stéphanois, les finances sont catastrophiques. En novembre 82, José Quadros, qui est un secrétaire de l'Union départementale CGT, envoie quand même une lettre de 4 pages sur la situation financière de l'UD aux militants de la CGT. Il y a eu des frais supplémentaires qui ont été mis en avant à cause de la campagne pour les prud'hommes, dans laquelle la CGT s'est engagée fortement de peur de perdre des voix. Mais surtout, il estime que la situation est préoccupante. Je le cite, « Celle-ci est due à des facteurs très inquiétants et qui résultent de l'activité générale de notre organisation. Il parle de situation exceptionnelle. Cette situation ne peut se prolonger, d'autant que certains syndicats font leur solde de cotisation en août, septembre, voire octobre de l'année suivante. Quelle organisation peut gérer un budget sur une telle durée ? Cela manque de sérieux. Aucun syndiqué ne paye en octobre 82 ses cotisations de 81. » Donc on se rend bien compte, en plus, que l'argent, c'est quand même l'un des nerfs de la guerre. L'UDCGT le répète assez souvent. Je pense que c'est la même chose au niveau de la CFDT. Sans argent, il est difficile de mener des combats. Il est difficile d'aider des entreprises en lutte. Il est difficile de payer des permanents. Alors, même si certains peuvent critiquer les permanents syndicaux, ils ont au moins l'avantage de pouvoir être disponibles pour aller dans les luttes. Les permanents syndicaux sont divisés par deux, ça fait deux fois moins de personnes qui vont pouvoir aller sur le terrain, qui vont pouvoir discuter, renseigner, motiver les troupes, entre guillemets. Donc la CGT est dans une situation financière catastrophique, d'autant plus que au niveau national, c'est là en 82 que va s'ouvrir le nouveau siège de la CGT à Montreuil, donc où a eu lieu le colloque, et ce nouveau siège a coûté énormément d'argent à la CGT, et la Confédération demande bien sûr que toutes les unions départementales participent. Donc il y a à la fois des problèmes de fonctionnement et de financement au niveau local, qui en plus sont aggravés par le fait qu'ils doivent donner de l'argent au niveau national pour financer des projets de la CGT. Donc la situation financière est l'un des symptômes les plus prégnants de cette crise syndicale au niveau du bassin. Et c'est pareil, et c'est la même chose au niveau de l'Union locale CGT. En 82, il y a aussi un courrier qui est envoyé qui stipule des retards nombreux dans les cotisations. Et ces cotisations, ce problème de retard dans les cotisations, se sont accentués les derniers mois. Donc c'est bien une forme de décrochage de la part des militants et des syndiqués aussi. Les militants, puisqu'ils ne font peut-être pas, entre guillemets, leur travail de militant d'aller chercher de la cotisation auprès des syndiqués. Et les syndiqués eux-mêmes qui ne vont pas aller spécialement chercher des militants pour payer leurs cotisations. Donc on se retrouve vraiment dans une période au début des années 80 où la CGT est en grande difficulté au niveau local. ça va être tempéré par les années 83, dans le cadre des municipales de 1983, dans laquelle la CGT va encourager, et là on va retrouver un petit semblant d'unité d'action avec la CFDT et la FEN, vont s'engager pour la victoire de Joseph Sandels dans le combat des élections municipales, combat qui va être perdu. En 83, on peut dire que la CGT atteint quasiment l'un de ses sommets de la crise dans le bassin stéphanois, dans la mesure où son ancien secrétaire général n'est plus maire de Saint-Étienne, et ça va clore, entre guillemets, une certaine séquence issue du programme commun, si l'on veut. Et rajouter à cela la perte de syndicalisation, des luttes de moins en moins nombreuses, des défaites très nombreuses dans les combats contre les licenciements, des syndicats en moins, on peut dire que vraiment, 83-85, c'est vraiment la période de décrue de la CGT dans le bassin stéphanois. On peut rajouter à ça la déception totale par rapport à ce qui était attendu du gouvernement de la gauche. Exactement. Donc 82, après tous les travaux universitaires le montrent, l'arrivée au pouvoir de la gauche, les espoirs et désespoirs, illusions, désillusions qu'elle va entraîner, va créer un climat très difficile pour les syndicats. Et tous les syndicats vont avoir à se positionner face à ça. La CFDT va choisir un soutien critique, mais d'accompagner les oui. gouvernements, alors que la CGT, du moment que les milices communistes vont partir, va se remettre dans l'opposition et essayer de proposer des nouvelles formes d'action. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1984-85 qu'un tract est tiré par l'Union locale CGT, tract qui tranche véritablement avec tout ce qu'on pouvait voir avant, puisque ce tract appelle à la grève générale. Quelque chose que je n'ai jamais vu dans les autres tracts que j'ai pu étudier sur la période de 1962 à 1985. Donc c'est en 85, au moment où la CGT est la plus mal en point, qu'elle se demande si finalement il ne faudrait pas reprendre des mots d'ordre qui ont pu, à un moment ou à un autre, favoriser un mouvement ouvrier fort. Ouais. Et c'est vrai que ce tract-là, il fait vraiment un effet détonnant quand on peut voir tous les tracts de la CGT auparavant. Donc on va arrêter sur ce, je pense, et on pourra continuer cette discussion le mois prochain avec donc un débat autour de l'unité d'action, une discussion autour de l'unité d'action et des relations, liens entre la CFDT et la CGT dans le bassin stéphanois. Dans la Loire en général. Allez, on va, merci, bonne journée. Merci. Du sang partout des larmes, toujours souffrir des tristes sorts, mais nous prendrons un jour nos armes, soyons tous prêts, unis et forts, tous debout, il est temps, en avant, quittons les plaines de misère, l'horizon est déjà tout ensemble, l'aube se lève, mes frères, frères, suivez votre bannière, tâchez du sang des innocents. Suivez